Pour tous vos problèmes électriques, que ce soit industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel, les Électriciens du Nord, un incontournable en affaires depuis 1977. Notre équipe possède le savoir et l'expérience pour répondre à tout besoin. Les Électriciens du Nord, 1025 Première Rue à l'Ascension, au 418-347-5103 ou visitez ledn.com. Monsieur Ghislain Tremblay et tout le personnel des Électriciens du Nord invitent toute la population à la classique hivernale de Saint-Luc-Gilles-Milo et félicitent les organisateurs. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien la meilleure des chances pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien, situés au 905 Boulevard Amel, numéro de téléphone 418-679-4194. Les Jeux olympiques de Pyeongchang sont maintenant ouverts. Au moment où on enregistre le podcast, la cérémonie d'ouverture est maintenant terminée. Donc, il y a un gros décalage. Je pense qu'on parlait de 14 heures de différence. Les compétitions vont commencer ce soir, heure du Québec. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir d'accueillir un gars que j'entends un peu partout. Il a couvert plusieurs Jeux olympiques. Probablement un des gars une personne les plus qualifiées au Québec pour parler de Jeux olympiques. On parle évidemment de Paul Hall. Bon matin, M. Hall. Bon matin à vous. M. Hall, à quoi s'attendre de ces Jeux olympiques pour le Canada? On parlait de 33 médailles. Est-ce que c'est réalisable? Oui, bien là, écoutez, le 33 médailles, ça a été la première prévision qui a été faite. J'ai entendu, comme vous, un chiffre qui était... ambitieux? Toujours osé, ambitieux, absolument, j'aime bien l'expression. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu passer la prévision de Grace Knows, c'est la fameuse compagnie d'analyse de données. Eux autres, ils ont revu le chiffre. Enfin, Grace Knows, ça reste comme Vegas qui, à un moment donné, va revoir des prédictions sur à peu près n'importe quoi. Eux autres ont revu le chiffre à 28. Et l'explication qu'ils donnent, évidemment, c'est une certaine incertitude. Par exemple, je vous donne simplement ça, sur les deux équipes de hockey, masculine comme féminine, qui... souvenez-vous, autant pour Sochi que Vancouver, on prenait pour acquis que du côté masculin, du côté féminin, c'était pratiquement, avant même que les tournois commencent, des médailles d'or assurées. Bon, cette année, je pense que bravo pour ceux qui sont capables de définir à quoi l'équipe Canada va ressembler et surtout quelle va être sa prestation. Parce que bon, on sait bien que depuis 1994, c'est la première fois maintenant que les professionnels de la Ligue nationale de hockey, en fait, ne constitueront pas l'équipe qui représente le Canada. Alors, par contre, ce que j'aimerais bien voir, c'est une reprise de ce qui s'était passé à Lake Placid, quand le fameux Dream Team, l'équipe américaine, que personne n'avait même vu, se qualifier pour la ronde finale des médailles et sortir avec la médaille d'or. Bon, ça, c'est... Par contre, M. Hall, à Lake Placide, il y avait quand même l'armée rouge, la grosse équipe de l'Union soviétique. Ben oui, mais c'était l'équipe américaine que personne ne voyait, c'était les amateurs. Ouais. Et c'est ce qui a fait le Dream Team, ils en ont fait un film, bref, ils ont surfé pendant très longtemps sur ce succès inespéré. Du côté de l'équipe féminine canadienne, oui, possibilité de médaille, évidemment, parce que, bon, il y a quand même seulement, je pense que c'est 8 nations qui, véritablement, sont en lice pour ça. Par contre, le Canada, on se rappellera, ben, d'abord, Wickenheiser n'est plus là. Il y a plusieurs des Québécois qui se sont retirés, qui étaient des joueuses de pointe. 40% de l'équipe féminine est remplacée par des nouvelles venues. Donc, encore là, on va devoir spéculer, possiblement, oui, une médaille. Mais rappelons-nous que les États-Unis ont remporté 7 des 8 dernières confrontations à l'équipe américaine, qui est la grande favorite pour remporter la médaille d'or. Pour le reste, ben écoutez, Michael Kingsbury devrait certainement sortir avec possiblement la médaille d'or. Et c'est une suite logique. Après Bilodeau, après évidemment, il y a fort longtemps, après Jean-Luc Brassard, on a comme une sorte de... on a pris un billet. Comme on dit, un billet gagnant sur cette fameuse épreuve des boss. On pense bien que Kingsbury va finir en tête sur le podium, et ainsi de suite. Mais il faut se dire une chose. La réalité, c'est que pour l'instant, le Canada n'a jamais, jamais, jamais dépassé le seuil des 26 médailles. Le plus grand succès aux Jeux olympiques d'hiver, c'était ceux de Vancouver en 2010, où le Canada avait sorti 14 médailles d'or. Ce qui était, c'était fort, là. Jamais vu dans l'histoire, et 26 médailles. Par contre, depuis 2002, même avant ça, depuis 1992, en fin de compte, on a toujours été, c'est-à-dire dans le top 10. Le plus fort qu'on a fait, c'est 9e, et on a fait premier à Vancouver. Évidemment, on était pays hôte, et on a fait 3e à Sochi en 2014. Mais là, la donne, c'est de savoir à quoi ressemble finalement le portrait. Est-ce que finalement les appels qui ont été faits par des athlètes de pointe qui ont jusqu'à maintenant avaient été disqualifiés ont été réinstaurés? Par contre, on ne savait pas s'ils allaient être invités. C'est aujourd'hui, en fin de compte, qu'il pourrait encore y avoir un changement pour je pense que c'est 47 athlètes russes. Ouais, c'est ça. En dernier recours à un tribunal arbitral, un tribunal civil, on se comprend, de la cour d'appel de Suisse, parce que le comité olympique international, n'ayant pas de personnalité juridique internationale, doit se référer aux tribunaux suisses, puisque la charte du CIO est une charte qui est validée par qui a un statut confédéral suisse. C'est ça le fameux problème, là. Ça, on peut dire, M. Hall, que ça vient vraiment jeter un ombre au tableau, ça, hein? Ah, totalement. Oui, hein? C'est fou, là, cette année, ça dure maintenant pratiquement depuis 4 ans. Ouais. Rappelons-nous que le scandale qui était couvert a ressurgi avec les déclarations et surtout les lanceurs d'alerte, le journalisme d'enquête qui a été fait par la télévision allemande, les journaux britanniques, The Guardian, entre autres, qui était derrière ça. Et bravo, en passant, c'est le journalisme d'enquête et les lanceurs d'alerte qui ont fait éclater au grand jour la fameuse, on l'appelle maintenant, système organisé, si vous voulez, de tricherie en Russie. Mais c'est certainement pas le CIO lui-même, personne du CIO, aucun comité, aucune commission a véritablement ouvert les portes toutes grandes pour laisser passer un courant d'air pur. C'est carrément des lanceurs d'alerte, donc des athlètes et des journalistes d'enquête qui ont fait la job. Est-ce qu'on aurait dû suspendre carrément tout athlète russe? Parce que là, on a comme laissé une porte ouverte. On a laissé une porte ouverte. Ouais. Ben, je ne suis pas avocat. J'aimerais bien que ce soit un avocat spécialisé en droit international qui réponde. Parce qu'au fond, les athlètes sont d'abord et avant tout des individus. Ils ont une personnalité juridique. En dépit de tout, le grand principe que vous êtes innocent jusqu'au cas contraire, on vous reconnaît coupable devant une cour, demeure. Ils ont également, dans plusieurs pays, des chartes de droit. Donc, moi, je défends le principe qu'un athlète est d'abord une personne qui a une personnalité juridique, a le droit à tous les recours, et il ne sera reconnu coupable qu'une fois que toutes les preuves, hors de tout doute raisonnable, auront été faites. D'un autre côté, d'un point de vue strictement moral et éthique, du point de vue strictement du sport, ben écoutez, c'est certain qu'une fois que tu es pris la main dans le sac puis que tu es blanc jusqu'au coude parce que tu as trempé dans la farine, du point de vue du sport, tu es reconnu coupable de tricherie et tu devrais être disqualifié. Donc, entre les deux, comment trancher? Là, c'est pas moi qui a les qualités nécessaires pour répondre à la question. Le froid, on a parlé du froid. Est-ce que le froid pourrait être un avantage pour le Canada? Sûrement, hein? Minime, oui. Minime, OK. Oui, un avantage pour le Canada parce que nos athlètes canadiens sont habitués à s'entraîner dans des conditions comme ça, mais il y a une chose qu'il faut bien reconnaître. Ces athlètes-là, nos Canadiens, ne s'entraînent pas seulement au Canada. Non. Aujourd'hui, les athlètes internationaux, tous les athlètes internationaux, sport d'hiver comme sport d'été, sont confrontés à des climats partout dans le monde. Okay. Donc, un athlète canadien a compétitionné également, regardez Alex Harvey, c'est un exemple typique. Alex n'est pas venu depuis le mois de novembre. Non. Il a quitté le pays en novembre. En conséquence, Alex a skié sur le fameux circuit, le Grand Tour. Il a skié en Coupe du Monde, mais constamment en Europe. Il a skié principalement en Italie et en Allemagne et quelque peu dans les pays scandinaves. Par conséquent, Alex n'est pas plus avantagé ou moins avantagé que les autres athlètes qui ont fait exactement comme lui. Vous savez, les athlètes, là, il n'y a pas de grande surprise. Ils vont se reconnaître entre eux. Tous ces gens-là qui se retrouvent aux Jeux olympiques, à tout le moins la majorité, sont tous des athlètes qui ont compétitionné les uns contre les autres dans des conditions diverses, dans les mêmes compétitions de Coupe du Monde, de Championnat du Monde. Donc, il n'y a pas de surprise. Le grand froid, qui si présumément il y aura un grand froid persistant, il n'est pas dit qu'il y aura un grand froid pendant 14 journées consécutives, mais le grand froid, il va affecter tout le monde de manière égale, et les Canadiens, en fait, qui seront à l'extérieur, dans les compétitions à l'extérieur, ne seront pas véritablement plus avantagés que d'autres. Oui, effectivement. Donc, on va surveiller ça de près. Ça commence ce soir, heure du Québec. Pour les gens que... En passant, c'est déjà commencé. Hein, le tournoi de curling. Le tournoi de curling est en route. Ouais. Il y a déjà d'autres épreuves. Le patinage artistique par équipe est également en route. Je pense que le Canada est présentement... Bon, écoutez, je n'ai pas le dernier là, dans la dernière minute, mais on était dans le top 3 pour l'instant. Ouais. Malheureusement, Chan a eu... quelques difficultés avec ses sauts, mais bon, c'est une compétition qui est spectaculaire parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs athlètes qui, autant en paire, en danse et en individuel, qui vont compétitionner, hommes et femmes. Ça donne un sacré beau résultat pour voir la force réelle d'un pays sur l'ensemble de la discipline du patinage. Oui, effectivement. On est en région. Je veux juste, monsieur, vous dire que Marianne Saint-Gelais va patiner demain entre 5h44 et 6h10 pour les qualifications du patinage du 500 mètres femmes. Et également à 6h52 jusqu'à 7h20 pour les qualifications pour le relais 3000 mètres. Donc, on va surveiller évidemment Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bredette qui sont nos athlètes ici en région. Si vous parlez de Marianne Saint-Gelais, vous parlez évidemment de Charles Amenet. Oui, effectivement. Forcément. Alors, qui est à ses derniers jeux, d'ailleurs. Les deux sont à leurs derniers jeux. Charles Amenet aura connu une belle carrière. Magnifique, absolument. Ouais. Écoutez, elle est la gloire est certainement un exemple extraordinaire, non seulement pour votre belle région, mais également pour l'ensemble du pays. Et moi, je salue ces deux athlètes parce que c'est un sport qui n'a pas toujours été... qui n'a pas toujours eu la part de visibilité qu'il mérite, mais au cours des dernières années, d'ailleurs, grâce à Charles et à Marianne, ce sport-là est maintenant devenu un sport reconnu, et eux-mêmes, ces deux athlètes-là, totalement reconnus. Amelin, en passant, il en est à ses 4e jeu, et il pourrait devenir, si les succès sont là au rendez-vous, l'athlète le plus décoré de toute l'histoire des Jeux d'hiver du Canada, enfin des Jeux olympiques. L'hiver pour les athlètes canadiens. Oui, effectivement. Monsieur Hall, est-ce qu'on peut se parler tous les vendredis d'ici la fin des Jeux? Prenons un rendez-vous. Écoutez, il faudrait cependant que vous me rappeliez pour me donner un préavis. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais disons que sur le principe, on peut s'entendre. OK, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, donc c'est l'encyclopédie des Jeux olympiques, Paul Hall, qui nous parlait des Jeux de Pyeongchang, qui sont maintenant débutés.